Les trois voyages du capitaine Cook autour du monde, racontés par lui-même. Deuxième voyage, 1772 à 1775. Chapitre 1er. Je fis voile du Deptford le 9 avril 1772, mais je ne dépassai pas Woolwich, où je fus retenu par les vents d'Est jusqu'au 22. Le vaisseau descendit alors à Longreach, où l'aventure me joignit le lendemain. Le 10 mai, nous quittâmes Longreach avec ordre de toucher à Plymouth, mais on reconnut bientôt que la Résolution portait mal la voile, et je fus obligé de relâcher à Sheerness pour remédier à cet inconvénient. Le 22 juin, le vaisseau fut prêt à reprendre la mer, et le 3 juillet, je rejoignis l'aventure dans le canal de Plymouth. Je reçus à Plymouth mes instructions datées du 25 juin. On m'enjoignait de prendre le commandement de la Résolution, de me rendre le plus promptement possible à l'île de Madère, et d'y embarquer du vin. Gagner de là le cap de Bonne-Espérance, où je devais relâcher pour donner aux équipages quelques rafraîchissements, me fournir des provisions et autre chose dont j'aurais besoin, puis de m'avancer au sud et de tâcher de retrouver le cap de la Circoncision, qu'on dit avoir été découvert par M. Bouvet dans le 54e parallèle sud. Si je rencontrais ce cap, je devais chercher à m'assurer s'il fait partie d'un continent ou si c'est une île. Question qui a fort occupé les géographes et les premiers navigateurs dans ces parages. Dans le premier cas, je devais ne rien négliger pour arriver à reconnaître et parcourir la plus grande étendue de côte possible du dit continent, et y faire les remarques et observations de toute espèce susceptibles d'être de quelque utilité à la navigation, au commerce, ou qui tendraient au progrès des sciences naturelles. On me recommandait aussi d'observer le génie, le caractère, le tempérament et le nombre des habitants s'il y en avait, d'employer tous les moyens honnêtes dans le but d'entrer avec eux en relation d'alliance et d'amitié, de leur offrir les objets auxquels ils paraîtraient attachés du prix, de les inviter au trafic, et de leur témoigner en toutes circonstances de la politesse et des égards. Les instructions portaient ensuite que je devais tenter aussi des découvertes à l'est ou à l'ouest, suivant la situation où je me trouverais tenir la latitude la plus élevée, et m'approcher du pôle austral le plus qu'il me serait possible, aussi longtemps que l'état des navires que je commandais, la santé de leurs équipages et la quantité des provisions existant à bord me le permettraient. Je devais toujours avoir soin de réserver assez de ces provisions pour pouvoir atteindre quelque port connu, où j'en embarquerais de nouvelles pour assurer notre retour en Angleterre. Lesdites instructions me prescrivaient en outre, si le cap de la Circoncision fait partie d'une île ou si je ne venais pas à bout de le retrouver. Dans le premier cas, d'en faire le relèvement le plus exact possible, et dans tous les deux, de continuer de cingler au sud, tant qu'il me resterait quelque espoir de rencontrer le continent austral dont il s'agit, puis de naviguer à l'est, afin de poursuivre la recherche de ce continent et de découvrir, chemin faisant, les îles qui pourraient être situées dans cette partie inconnue de l'hémisphère austral, de tenir toujours des latitudes élevées, jusqu'à ce que j'eusse fait ainsi le tour du globe, et enfin de me rendre au cap de Bonne-Espérance et de là en Angleterre. Quand la saison de l'année rendrait périlleux mon séjour dans les latitudes élevées, on m'autorisait à me rapprocher du nord, à relâcher dans quelque endroit connu pour y rafraîchir les équipages et y radouber les vaisseaux. Je devais retourner de nouveau au sud dès que le temps serait favorable. Dans toutes les circonstances imprévues, on me laissait maître de suivre la route que je voudrais. Et en cas que la Résolution périt ou fût mise hors de service, je devais continuer le voyage sur l'aventure. Je donnai copie de ces instructions au capitaine Furneaux, avec un ordre de l'amirauté qui lui enjoignait de les mettre à exécution. Pour le cas prévu de séparation, je désignai comme premier rendez-vous l'île Madère, le port Praia dans l'île San Iago comme second, le cap de Bonne-Espérance comme troisième et la Nouvelle-Zélande comme quatrième rendez-vous. Le 13 juillet 1772, j'appareillai du canal de Plymouth, naviguant de conserve avec l'aventure. Je jetai un dernier regard sur les montagnes fertiles de l'Angleterre et je me livrai aux tendres émotions qu'inspirait ce coup d'œil. La beauté de la matinée et le spectacle si animé d'un vaisseau en marche absorbèrent ensuite mon attention et dissipèrent la tristesse de mes premières idées. Nous passâmes bientôt devant le phare d'Eddystone, tour très élevée qui est de la plus grande utilité à la navigation et au commerce. On ne peut la contempler sans frissonner en songeant au misérable sort des gardes, qui sont souvent obligés d'y passer 3 mois dans l'isolement le plus absolu, privés de toute communication avec la Grande-Bretagne. Les mouvements de la tour, lorsqu'elle est assaillie par le vent et les flots, épouvantent le spectateur. Le 29 octobre, nous découvrîmes terre. C'était le cap de Bonne-Espérance. La montagne de la Table, sise au-dessus de la ville du Cap, nous restait à 12 ou 14 lieues. Le ciel était alors obscurci par un brouillard, car autrement, cette montagne est si haute qu'on aurait pu la découvrir à une distance beaucoup plus grande. Nous espérions gagner la baie avant la nuit, mais voyant que cela était impossible, nous diminuâmes de voile et nous passâmes la nuit à louvoyer. Le jour naissant nous fit voir un beau ciel, et nous mouillâmes, en même temps que l'aventure, dans la baie de la Table à 1 mille de distance du débarquement, près du fort. À peine eûmes-nous jeté l'ancre que je reçus la visite du maître du port, de quelques autres officiers de la compagnie et de M. Brand, qui nous apporta diverses choses très agréables à des gens venant de la mer. Le maître du port venait, suivant la coutume, examiner les vaisseaux, la santé des équipages, et reconnaître spécialement si la petite vérole était à bord. Au Cap, on craint cette maladie par-dessus tout. C'est pourquoi il y a toujours un chirurgien parmi ceux qui font la visite. J'envoyai sur le champ un officier chez le gouverneur, afin de l'informer de notre arrivée et des raisons qui m'engageaient à relâcher au Cap. L'envoyé reçut une réponse très polie, et à son tour nous saluâmes la garnison de 11 coups de canon qui nous fut rendue. Bientôt après, j'allai à terre moi-même, et je fis une visite au gouverneur. Il m'apprit que 2 Français de l'île Maurice avaient découvert, environ 8 mois auparavant, une terre par 48 degrés de latitude sud, qu'ils en avaient longé les côtes pendant 40 milles, jusqu'à une baie dans laquelle ils allaient entrer, quand ils furent chassés en mer et séparés par un coup de vent, après avoir perdu quelques-uns de leurs bateaux et quelques personnes de leurs équipages qui marchaient en avant pour sonder la baie, que l'un des bâtiments appelé la Fortune arriva bientôt après à l'île Maurice, et que le capitaine fut envoyé en France avec le journal de ses découvertes. Le gouverneur ajouta qu'au mois de mars précédent, 2 autres vaisseaux français de l'île Maurice, commandés par M. Marion, avaient touché au Cap en allant dans l'océan Pacifique austral, où ils se rendaient pour tenter des découvertes. À Autourne, le Tahitien que M. Bougainville a amené en France devait s'en retourner avec M. Marion. Le lendemain de notre arrivée, M. Forster commencèrent des excursions botaniques dans la campagne, aux environs de la ville. La montagne de la Table fut l'objet d'une de leurs promenades. La route est très raide, fatigante et difficile, à cause des cailloux qui roulent sous les pieds. À mi-chemin, ils entrèrent dans une vaste et effrayante crevasse, dont les côtés perpendiculaires sont garnis de rochers menaçants, empilés et couchés. De petits ruisseaux sortent des fentes où tombent goutte à goutte des précipices et donnent la vie aux plantes et aux arbrisseaux qui croissent abondamment au pied. D'autres végétaux, qui préfèrent un sol plus sec, lequel semble concentrer leur suc, répandaient une odeur aromatique dont un vent frais faisait savourer le parfum. Enfin, après 3 heures de marche, ils atteignirent le sommet de la montagne. Il est presque de niveau, très stérile, il n'y a aucun terreau. Plusieurs cavités étaient cependant remplies d'eau de pluie, ou contenaient un peu de terre végétale, d'où quelques plantes odoriférantes tiraient leur nourriture. Des antilopes, des babouins hurleurs, des vautours solitaires et des crapauds habitent quelquefois les environs. La vue dont on jouit de là est très pittoresque et très étendue. La baie ne paraissait plus être qu'un étang ou un bassin, et l'on prenait les vaisseaux pour de petites barques. La ville et les compartiments réguliers de ses jardins semblaient l'ouvrage d'enfants jouant sur la plage. Après avoir enfin terminé nos affaires au Cap, pris congé du gouverneur et de quelques-uns des principaux officiers qui m'avaient donné, de la manière la plus obligeante, toute l'assistance possible, nous rentrâmes à bord le 22 novembre 1772. Nous levâmes l'ancre et mîmes à la voile, et dès que nous fûmes en pleine mer, je disposai ma route de façon à reconnaître le cap de la Circoncision. Au bout de 2 jours, nous essuyâmes une tempête qui dura jusqu'au 6 décembre. La mer, prodigieusement grosse, se brisait avec violence sur le bâtiment. Nous n'avions eu aucune tempête pendant la traversée d'Angleterre au Cap, et ceux de nous qui n'étaient pas fort accoutumés à la mer ne savaient comment se comporter dans une pareille situation. Le roulis du bâtiment faisait de grands ravages parmi tous les objets fragiles et parmi tout ce qui à bord était mobile. Des circonstances plaisantes succédaient parfois à la confusion générale, et nous supportions tous nos accidents avec beaucoup de patience et de calme. Les ponts et les planchers de toutes les chambres étaient continuellement humides. Le hurlement de la tempête et le mugissement des vagues, ajoutés à l'agitation violente du vaisseau, nous offraient à chaque instant de nouvelles scènes fort imposantes, mais en même temps fort désagréables. Ces petits malheurs faillirent être suivis d'un grand. un volontaire, logé à l'avant du vaisseau, s'éveilla tout à coup une nuit et entendit l'eau courant dans son poste et clapotant sur ses meubles. Après avoir sauté hors de son lit, il se trouva dans l'eau jusqu'à mi-jambe. Il en avertit l'officier de quart, et dans quelques secondes, tout l'équipage fut levé. On employa les pompes. On se servit même des pompes à chapelet. Enfin, les matelots découvrirent heureusement que l'eau entrait par une écoutille dans le magasin du maître d'équipage qui avait été enfoncé par la force des vagues. On le répara sur le champ et le danger cessa. Nous fûmes chassés fort loin à l'est de notre route projetée et je n'eus plus d'espoir de gagner le cap de la circoncision. Nous perdîmes une grande partie des animaux d'approvisionnement que nous avions embarqués au cap. Ce passage brusque d'un temps doux et chaud à un climat extrêmement froid et humide affecta tout le monde sans distinction. Le mercure, dans le thermomètre, était tombé à 38 degrés Fahrenheit, tandis qu'au cap, il se tenait communément à 67 et plus. J'ajoutai quelque chose à la ration ordinaire des boissons fortes. Je faisais donner au matelot un petit coup quand je le croyais nécessaire, et j'avertis le capitaine Furneau de suivre cet exemple. Le 15, nous eûmes une brume épaisse et beaucoup de neige. Des glaçons pendaient de tous côtés à nos voiles et à nos agrès. La brume était quelquefois si forte que nous ne voyions pas la longueur du vaisseau et que nous eûmes beaucoup de peine à éviter la grande quantité d'îles de glace qui nous environnaient. M. Forster et M. Vallès, l'astronome, étaient en mer, dans le bateau, afin de répéter des expériences sur la température de l'eau à une certaine profondeur. La brume s'accrut tellement qu'ils perdirent de vue les deux vaisseaux. Leur situation dans un petit bâtiment à quatre rames, sur une mer immense, loin de toute espèce de côte, environnée de glace et absolument privée de provisions, était effrayante, terrible. Ils voguèrent quelque temps, faisant de vains efforts pour être entendus, mais tout était silence autour d'eux, et ils ne voyaient pas même la longueur entière de leur bateau. Ils étaient d'autant plus à plaindre qu'ils n'avaient que deux rames et point de main ni de voile. Dans cette position épouvantable, ils résolurent de se tenir en panne, espérant qu'en ne changeant pas de place, ils apercevraient de nouveau les vaisseaux parce qu'il faisait calme. Enfin, ils entendirent dans le lointain le son d'une cloche. Ils ramèrent à l'instant de ce côté, et l'aventure répondit à leurs cris et les prit à son bord, bien joyeux d'avoir échappé au danger de périr lentement de froid et de faim. Nous avancions à travers les glaces brisées, tantôt dans une fausse baie où il fallait rétrograder, tantôt devant une plaine immense de glace fixe. Nous apercevions des baleines, des veaux marins, des pingouins et des oiseaux blancs. On voyait de toutes parts une quantité innombrable de hautes îles de glace. Une ligne de 250 brasses ne donna point de fond. Le 25, nous étions par 57 degrés 50 minutes de latitude sud. Il gelait fortement, et quoique ce fût pour nous le milieu de l'été, je ne crois pas que dans aucune partie de l'Angleterre, il y ait eu en décembre des jours aussi rigoureux. Nous passâmes à travers plusieurs bancs de glace brisés et flottantes. Ces bancs étaient en général étroits, mais d'une longueur considérable. Les glaces étaient tellement jointes que les bâtiments avaient peine à les rompre. Nous vîmes quelques pingouins, mais la chasse que nous leur fîmes était rarement heureuse. Ces oiseaux plongent et restent longtemps sous l'eau. Quand ils en sortent, ils filent en ligne droite avec une vitesse si prodigieuse qu'il est difficile de les atteindre. À la fin, cependant, nous en blessâmes un. Nous le suivîmes de près et nous lui tirâmes plus de 10 coups chargés à petit plomb. Quoique les autres coups eussent porté, il fallut le tuer avec une balle. Nous remarquâmes ensuite que son plumage, dur et luisant, avait toujours écarté le plomb. Ce plumage, extrêmement épais, est composé de longues plumes étroites placées les unes sur les autres, aussi près que des écailles, et préserve de l'humidité ces oiseaux amphibies qui vivent presque constamment dans l'eau. Leur peau très forte et leur graisse très abondante sont très propres à résister à l'hiver perpétuel de ces climats rigoureux. La largeur de leur ventre, la position de leurs pattes situées fort en arrière, et leurs ailes qui leur tiennent lieu de nageoires, facilite le mouvement de leur corps, d'ailleurs très lourd. Celui que nous tuâmes pesait 11,5 livres. L'après-midi du 1er janvier 1773, nous aperçûmes pour la première fois la lune que nous n'avions pas vue depuis notre départ du cap de Bonne-Espérance. On peut juger par là du temps que nous avons eu. Nous saisîmes avec empressement cette occasion de faire plusieurs observations du soleil et de la lune. La longitude déduite fut de 9 degrés, 34 minutes, 30 secondes est. À mesure que nous marchions vers le sud, les îles de glace augmentèrent tellement que nous en comptâmes 38 à la fois, tant grandes que petites, outre des glaces flottantes en abondance. Nous étions par 67 degrés 15 minutes de latitude sud quand nous fûmes contraints de nous arrêter, ne pouvant plus aller en avant. La glace était entièrement close au sud dans toute l'étendue de l'est à l'ouest-sud-ouest, cela sans la moindre apparence d'ouverture. Cette immense plaine était composée de glaces d'aspect divers, telles que collines élevées, morceaux brisés et entassés ou serrés l'un contre l'autre. Il y avait aussi ce qu'on appelle au Groenland les champs de glace. Nous aperçûmes plusieurs baleines jouant autour de cette glace, et deux jours auparavant, nous avions remarqué plusieurs troupes de pintades brunes et blanches que je nommais pétrelles antarctiques parce qu'elles paraissaient indigènes de cette région.